Alors, je voudrais d'abord vous demander de m'excuser de parler en français, mais je sais que vous devez avoir le texte italien. Peut-être qu'il vous empêchera de dormir. Alors, je commence. Chacun connaît les variations de Jérôme dans ses jugements sur Origène. On sait qu'après avoir exalté sa personne, Jérôme, à partir de la fin de 393, a condamné à maintes reprises les erreurs de son ancien maître et s'est même défendu de l'avoir personnellement suivi en se retranchant derrière sa profession de commentateur qui l'obligeait à faire état des diverses opinions des commentateurs antérieurs, sans prendre pour autant parti, assure-t-il, pour les opinions rapportées. Autre façon de renier son enthousiasme primitif, la manière dont il opérera tardivement une distinction chez Origène entre l'exégète qu'il continuera à exploiter d'une manière intensive et le théologien aux thèses aventureuses, comme si Origène n'avait pas cherché à fonder sa présentation générale du christianisme et ses hypothèses théologiques sur un examen attentif, mais parfois subtil, de l'Écriture. On pourrait aussi parler des variations de Jérôme dans son appréciation de Tertullien. L'Africain est qualifié tantôt de « eloquentissimus », de « doctissimus », de « noster », d'acutus », d'eruditus » et même d'eruditissimus », et son opinion alors mentionnée avec respect, voire admiration, est tantôt d'étranger à l'Église, d'hérétique, sans qu'on puisse, comme pour Origène, établir une césure chronologique entre une époque où Jérôme aurait loué l'Africain et une autre où il aurait découvert ses erreurs. Il ne suffit pas non plus de dire qu'il aurait dès le début été conscient de ses déviations et qu'il aurait fait d'emblée le départ, comme il l'a prétendu un jour pour Origène, entre ce qui était vrai ou admissible et ce qui était à rejeter. Nous le verrons puiser à pleine main et à plusieurs reprises dans plusieurs traités qu'il a qualifiés d'hérétiques. Les choses sont, je crois, plus complexes. Je voudrais montrer que l'on doit, pour comprendre ces variations, faire intervenir tout d'abord non seulement la chronologie absolue, mais aussi les circonstances et la personne des destinataires des différents propos. Il faut tenir compte également de la nature des œuvres où sont énoncés les divers jugements. Mais surtout, il faut aller au-delà de ces affirmations pour constater, non sans surprise ou étonnement parfois, qu'en ce qui concerne nos deux auteurs, les emprunts voilés et en tout cas non explicitement reconnus par Jérôme sont tantôt juxtaposés de manière à se compléter, tantôt opposés pour corriger ce qui apparaît à l'occidental de la fin du IVe siècle comme une erreur. Ce faisant, et ce n'est pas toujours facile, je voudrais rappeler non tant que Jérôme est un éclectique, comme pourrait le laisser entendre la manière dont dans le même temps il utilise aussi bien Cyprien ou Hilaire, comme Marcello Marin nous le montrera, aussi bien donc Cyprien ou Hilaire qu'Athanase, Ambroise ou Didyme, mais qu'il est resté un latin, habitué tout à la fois à faire son miel des denrées ou des prairies orientales et à se méfier de leurs essences ou de leurs épices, c'est-à-dire des spéculations philosophiques. Je vais donc suivre Jérôme dans un certain nombre de ses prises de position concernant Tertullien surtout, car celles qui concernent Origène sont plus connues, mais surtout essayer de montrer comment, sans le dire, Jérôme, au même moment, en appelle à la fois ou tour à tour à Tertullien et à Origène. Il ne s'agira cependant que de quelques exemples, car la matière est considérable et l'enquête demanderait bien des nuances que je ne pourrais apporter dans cette simple esquisse. Les premières lettres de Jérôme contiennent de nombreux souvenirs de Tertullien. Ceci semble tout naturel, puisqu'ils paraissent refléter les premières lectures d'un occidental exilé ou parce qu'il est exilé, dans un Orient dont il connaît encore mal la langue. Nous voyons d'ailleurs où aussi le jeune Jérôme fait réclamer à son ami Rufin un codex des œuvres de Tertullien qui lui a été prêté par son concitoyen Paul de Concordia. Nous pouvons conjecturer sans grand risque de nous tromper que Jérôme devait connaître lui aussi ce codex pour l'avoir peut-être même au moins en partie recopié, et j'y reviendrai. En tout cas, outre ses lettres de Syrie, ses premières œuvres témoignent de la connaissance d'au moins une dizaine, et je pense qu'il faudrait presque dire une quinzaine de traités de l'Africain. Alors je passe sur l'énumération. On peut toutefois noter que les emprunts et les souvenirs consistent le plus souvent en formules brillantes, en apostrophes cinglantes, en allusions historiques, mais ne concernent que rarement l'écriture elle-même, à la connaissance et à l'interprétation de laquelle Jérôme s'initie à Antioche et en ses parages, avant de trouver un autre maître en Grégoire de Nazianze en Constantinople. On pourrait donc s'attendre à voir se produire pour Tertullien l'évolution que l'on constate pour son attitude, pour l'attitude de Jérôme à l'égard de Rétitius d'Autun ou bientôt de Fortunatien d'Aquilée. Lorsqu'il est en Syrie, Jérôme réclame à Florentinus qu'on lui envoie de Jérusalem les commentaires où Rétitius a expliqué, dit-il, d'une voix sublime, le cantique des cantiques. Mais à Rome, alors qu'il a traduit ou va traduire les deux homélies sur le cantique d'Origène, en avant-goût, dit-il, du génie déployé par l'Alexandrin dans son commentaire sur le même livre, il dissuade Marcella de rechercher l'ouvrage de Rétitius qui contient, dit-il, plus de choses qui lui déplaisent que de choses qui lui plaisent. Et comme il prévoit l'étonnement de Marcella, qui sait que d'autres ont reçu de Jérôme l'ouvrage de Rétitius, il recourt, sans le dire, à une distinction d'Origène concernant l'ordre des lettres de saint Paul, selon laquelle les Éphésiens et la lettre qui leur est adressée sont beaucoup plus parfaits que les Corinthiens, dont les lettres à eux adressées sont du lait, destiné aux enfants incapables encore de prendre une nourriture solide. Autrement dit, Marcella est trop avancée pour se contenter de ce lait. La même chose est dite en substance à Paula et Eustochium vers 389, lorsque Jérôme compare, semble-t-il, les Commentarioli in Matteum de Fortunatien d'Aquilée et l'Explanatio in Lucam d'Ambroise aux homélies et a fortiori aux commentaires sur Luc d'Origène. Mais ce qu'il dit d'Hilaire et même de Victorin de Petovio dans cette même préface à sa traduction des homélies sur Luc n'incite pas à voir simplement en Jérôme quelqu'un qui aurait été grisé par sa découverte des ouvrages grecs. Certes, il promet à Paula et Eustochium de leur traduire le commentaire sur Luc d'Origène, de sorte, dit-il, que la langue romaine connaisse combien de richesses elle a jusqu'ici ignorées et commence maintenant à connaître, mais il se propose de leur faire parvenir bientôt les commentaires de Matthieu rédigés l'un par le très éloquent Hilaire, l'autre par le bienheureux martyr Victorin de Petovio, chacun, dit-il, dans un style différent, mais sous l'inspiration du même esprit, ce qui est un souvenir de Tertullien. Pour ce qui concerne Tertullien précisément, la période romaine présente des affirmations contrastées. En réponse à ces questions sur les premiers livres du Pentateuque, Damase, l'évêque même de Rome, se voit renvoyer aux hommes très éloquents que sont notre Tertullien et Novatien, c'est-à-dire en fait deux hérétiques, qui ont traité des animaux purs et impurs, mais aussi à Origène, qui a disserté sur ces mêmes animaux. Ce double et triple renvoi est révélateur, et plus encore la double offre qui est faite ensuite à Damase, soit de classer les diverses opinions à la manière d'un commentateur, soit de s'inspirer, sans le dire, de ces diverses sources pour composer un travail personnel, un travail de synthèse personnelle. Mais à côté de ce renvoi louangeur à un traité de notre Tertullien, qu'on identifie d'ailleurs guère, on trouve au moins deux condamnations explicites, en plus du rejet très sec des erreurs montanistes dans la lettre 37 à Marcella. La première figure, la première condamnation figure dans l'Adversus Elvidium. Le négateur de la virginité postpartum de Marie avait invoqué à l'appui de ses déclarations sur les frères de Jésus et les maternités afférentes de Marie, l'autorité de Tertullien et de Victorin de Pétovio. Jérôme récuse le témoignage de Tertullien en proclamant que celui-ci était étranger à l'Église. On ne s'attendrait donc pas à le voir exploiter un peu plus loin, au sujet de la naissance de Jésus, l'une des pages les plus réalistes de l'Africain contre la Christologie d'Ocète de Marcion. Mais il faut reconnaître que Jérôme eût pu équivalemment l'emprunter à Origène, dont l'influence devient alors massive durant ce séjour à Rome, au point d'occulter ou de rabaisser toute œuvre occidentale. Il est d'ailleurs vraisemblable, bien qu'il ne figure pas parmi les auteurs auxquels Jérôme renvoie Elvidius, qu'Origène devait avoir été consulté par Jérôme et avoir fourni une partie au moins de l'argumentation concernant les frères de Jésus, l'attitude de Joseph et la virginité post-partum de Marie. À la différence de l'Altercatio Luciferiani et Orthodoxie, l'Adversus Elvidium porte bien la trace de cet apport oriental et de la manière dont Jérôme, de retour d'Orient, s'oppose à des opinions occidentales en recourant au grand alexandrin dont il publie alors la liste impressionnante des œuvres. Cette même confrontation à l'avantage d'Origène apparaît dans l'actuelle lettre 21 adressée encore à Damas et que le De Viris intitule « De frugi et luxurioso filio ». Longue explication de la parabole de l'enfant prodigue, où il s'agit de savoir si les deux fils représentent les juifs et les gentils, ou les justes et les pécheurs. Or, dès le début de la lettre, Jérôme dit son grand étonnement devant la manière dont Tertullien, pour détruire l'interprétation ancienne par une nouvelle opinion, a, dans son De Pudicitia, où il s'en prend à la pénitence, affirmé que les pécheurs et les publicains auxquels s'adressait le Christ n'étaient pas des juifs, mais des païens, ce qui lui permettait d'affirmer que la parabole ne pouvait être utilisée comme exemple de pénitence pour les chrétiens déjà baptisés. Le commentaire de Jérôme va tendre à montrer que la parabole peut être entendue tant des païens que des pécheurs. Or, s'il conserve quelques éléments ponctuels de l'interprétation de Tertullien en faveur donc des païens, l'essentiel de son explication me semble provenir de la lecture d'Origène. Comment le prouver alors que nous n'avons pas d'homélie sur Luc 15 et que le commentaire mentionné par Jérôme dans sa lettre 33 a disparu pour la majeure partie? Eh bien, en recourant aux quelques fragments transmis sous le nom d'Origène, venant de l'In Lucam, mais surtout en constatant que nombre d'interprétations des différents versets de la parabole ont leur équivalent dans l'Explanatio in Lucam d'Ambroise. Loin de voir dans ses parentés la trace d'une interprétation traditionnelle et encore moins d'une dépendance de Jérôme par rapport à Ambroise, comme quelqu'un le suggère sans l'avoir démontré, je pense qu'il faut y apercevoir l'influence d'une homélie perdue ou du commentaire de l'Alexandrin que les deux latins ont utilisé de façon parallèle et indépendante. Du point de vue qui est actuellement le nôtre, on notera comment, même lorsqu'elle est intégrée à une explication plus large, puisque la parabole est entendue à la fois ou successivement des païens et des pécheurs baptisés, comment donc la pensée de Tertullien se trouve enrichie de thèmes proprement origéniens, comme l'éloignement intérieur de Dieu, l'embauche auprès d'un prince de cette région, qui sont tous des thèmes origéniens, et peut-être encore plus caractéristique, la nourriture décevante des porcs qui se trouve être à la fois les différentes passions, les différentes formes de la littérature profane, auquel Jérôme consacre un développement qui aura de nombreux lecteurs dans la suite des siècles. Cette juxtaposition et cet enrichissement prennent dans ces lettres romaines diverses formes et touchent à de nombreux domaines. On peut noter par exemple que la lettre 22, le fameux « Liber ad stocium de servanda virginitate », tient tantôt du patchwork et tantôt de la tapisserie où se mêlent des fils de provenance multiples. Je m'explique. Lorsque Jérôme dit à Eustochium l'importance du jeûne, il emprunte une série de médaillons au De Iunio de Tertullien. Après avoir trouvé chez Ambroise une attaque contre l'usage du vin par les jeunes filles. Mais quand il poursuit en parlant avec Job du monstre de l'abysse, ou plutôt du diable, dont la force est dans les reins et la puissance dans le nombril, c'est à Origène qu'il emprunte l'assimilation qui va former l'armature de tout le développement qui suit. En revanche, ce qui est dit de la virginité paradisiaque et du mariage qui suit la chute d'Adam et d'Ève, est d'une texture beaucoup plus serrée et mêle divers héritages, dont principalement ceux de Tertullien et d'Origène. Jérôme ne renverra-t-il pas un peu plus loin au livre de Tertullien à son ami philosophe, ainsi qu'à ses autres livres sur la virginité, au volume remarquable du bienheureux Cyprien, aux œuvres en vers et en prose de Damase et au traité d'Ambroise à sa sœur. En fait, Jérôme ne nomme pas toutes ses lectures encore, mais cette bibliographie remise à Eustochium dit déjà quelque peu la complexité de l'œuvre, peu originale dans le détail, mais emportée par un élan qui l'unifie et la personnalise, ne serait-ce que par ses souvenirs et ses allusions à l'actualité romaine. Un autre exemple peut être fourni à l'aide de la lettre 39, c'est-à-dire de l'oraison funèbre de Blésila, la fille de Paula. On n'y trouve pas cette fois la moindre mention ni de Tertullien ni d'Origène. Et pourtant, on a relevé un souvenir de l'Apologeticum au sujet du cortège des triomphateurs et l'on pourrait retrouver dans la manière dont Jérôme oppose à la conduite de Paula celle de la païenne épouse de Prétextatus, le procédé par lequel Tertullien a l'habitude d'en appeler à la fierté des chrétiens. Comme on n'a pas de peine à reconnaître en certains mots la signature de Tertullien, tel ce fameux Iam Evangelio Coruscante, dont on a pu dire qu'il était un véritable cliché hiéronymien, mais sans en voir l'origine. L'expression vient du De Anima 49.3. La chose n'aurait sans doute pas grande importance, Jérôme l'ayant déjà repris cette formule dans l'épilogue du Contre Helvidius, si ce traité de Tertullien ainsi que son De Paradiso perdu ne dissertait sur le lieu de l'âme après la mort. Or, notre lettre 39, c'est-à-dire une consolation donc pour la mort de Blésila, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, prend le contre-pied de la doctrine de Tertullien dans ce De Anima, et elle propose celle d'Origène selon lequel depuis la mort du Christ, l'accès au ciel a été réouvert avec le larron pénitent à toutes les âmes fidèles. C'est ce que Jérôme expose à Paula, c'est ce qu'il reprendra dans sa consolation à Héliodore en 396, au moment même où, comme je le rappellerai tout à l'heure, il revient au De Resurrectione Mortuorum de Tertullien pour refuser donc la conception trop spiritualisante du corps ressuscité défendu par Jean de Jérusalem et Origène. Mais il nous faut essayer de suivre l'ordre chronologique et, après Rome, arriver à Bethléem où, la même année 386, Jérôme émet sur Tertullien dans ses commentaires sur les épîtres de saint Paul deux jugements assez différents. L'étonnement ne doit pas tout d'abord concerner cette contradiction, mais bien plutôt la manière dont, dans des commentaires de lettres entières, l'exégète, qui s'inspire pourtant principalement d'Origène, s'est inséré des explications qui avaient été données par Tertullien de façon isolée et en des traités consacrés à des questions théologiques très diverses. On verra par quelques exemples ici encore que Jérôme ne s'en est pas tenu au passage qu'il introduit en les attribuant à leur auteur. Chronologiquement, la première mention figure dans son commentaire de l'Épître aux Galates. Paul met en garde ses correspondants contre toute doctrine nouvelle, leur fut-elle enseignée par un ange venu du ciel, c'est donc Galates 1.8 si j'ai bon souvenir. Jérôme commence par s'interroger sur le tour employé par Paul. S'agit-il d'une hyperbole, d'une pure hypothèse de l'esprit ? À ce sujet, Il mentionne l'opinion de ceux qui voient en cette parole de l'apôtre l'indice que les anges même ont pu déchoir, ce qui, d'après les preuves apportées, fait bien entendu penser à Origène. Mais il ajoute, à ce sujet, l'homme très savant qu'était Tertullien a, contre appel et sa vierge Philomène, dit sa vierge Philomène qu'un ange mauvais et l'esprit diabolique avait rempli, a écrit donc de façon élégante que l'ange en question n'était autre que celui que Paul avait prophétisé et sur lequel, bien avant la naissance d'appel, il avait, sous l'inspiration de l'esprit, jeté l'anathème. Vir doctissimus et eleganter. Deux compliments, sans qu'on voit bien l'importance pour Jérôme d'une telle évocation en des pages qui sont pleines en revanche d'Origène. Et lorsqu'il en arrivera à l'explication de l'incident d'Antioche, qui a été évoqué ce matin, l'interprète latin oubliera cette fois les exégètes occidentaux qui ont cru à la réalité de la dispute pour se ranger sous la bannière d'Origène. On sait combien de réserves cela lui vaudra de la part d'Augustin jusqu'à ce qu'il se rallie très tardivement à l'opinion des latins. La deuxième mention de ses commentaires sur les épîtres de Paul, toujours en 386, n'est pas moins curieuse quand on sait qu'elle condamne le de monogamia, que Jérôme utilisera pourtant beaucoup par la suite, et qu'elle apparaît en des pages qui doivent tant à Origène qu'à Tertullien. En ce commentaire de l'épître à Tite, il s'agit de préciser les conditions requises de celui qui doit être choisi comme prêtre ou comme évêque. On sait que pour Jérôme, les deux termes sont équivalents et que la supériorité de l'évêque ne découle que de nécessité pratique. On ne peut avoir plusieurs chefs sous peine de schisme. C'est une idée que Tertullien n'expose qu'en passant, mais que Jérôme a reprise dès son Altercatio Luciferiani et Orthodoxie, avant de l'exposer à nouveau dans sa lettre à Evangelus et dans le commentaire de l'Épître à Tite. Mais parmi les conditions requises du candidat au sacerdoce se trouve celle de n'avoir été l'époux que d'une seule femme. On connaît la position de Jérôme car il l'a exposée plusieurs fois et elle n'a pas été reconnue valable ni par Ambroise ni par Innocent Ier. Selon lui, le baptême, en effaçant toute la vie antérieure du catéchumène, efface également tout mariage antérieur et permet donc à quelqu'un qui aurait contracté un second mariage après son baptême de remplir la condition édictée par Paul. Alors, la phrase suivante n'est plus vraie puisque le professeur Perronnet ce matin a montré qu'il avait vu ce texte. Or, je ne crois pas qu'on ait vu que la comparaison avancée par Jérôme entre le cas d'un homme qui a mené une vie de continence aussitôt après la mort rapide d'une seconde épouse et celui d'un homme qui a vécu sans désemparer dans les œuvres du mariage provenait d'Origène, si on peut en juger par son commentaire sur Matthieu qu'a évoqué donc le professeur Perronnet ce matin. En revanche, le de monogamia est ici condamné comme hérétique parce qu'il refuse la possibilité de tout remariage. Puis-je cependant souligner le paradoxe? Lorsque, dans sa lettre à Okeanus, il défendra le cas de Carterius qui avait été ordonné évêque, bien qu'il eût contracté un premier mariage avant de se convertir, il fera l'éloge du baptême en exploitant si longuement le de baptismo de Tertullien que l'on ne peut pas songer ici à une simple réminiscence qu'il aurait poursuivie ou qu'il aurait affinée durant toute sa vie, comme on en trouve quelques-unes, y compris dans cette lettre 69. On ne manquera d'ailleurs pas de noter que ces mêmes pages de la lettre à Okeanus mènent au souvenir de Tertullien des thèmes originiens, encore une fois, ce qui illustre ce que j'essaie de montrer. Avec cette lettre à Okeanus, j'ai franchi peut-être un trop long espace chronologique. Il me faut revenir, sinon aux premières années de Bethléem, où là encore il y a bien des souvenirs, au moins à l'époque où va se produire la cassure, sinon la rupture, avec l'œuvre d'Origène. Je m'arrêterai donc à plusieurs œuvres des années 390-393 avant de donner quelques exemples de l'époque de l'après-rupture. Il faut d'abord partir d'une constatation, si simple qu'elle ne semble pas avoir jamais été relevée. Quelle est la notice la plus longue du De Viris Illustribus ? Si j'accepte celle qu'à la fin de son ouvrage, Jérôme consacre à son œuvre à lui jusqu'en 393, le développement le plus long concerne Origène, et il ne comprend pas pourtant la liste de ses œuvres pour laquelle Jérôme renvoie ses lettres à Paula, où, dit-il, il a comparé son œuvre à celle de Varron. Il s'agit donc de la notice 54. Mais à qui est consacrée la notice précédente ? À Tertullien, auquel Jérôme avait déjà renvoyé plusieurs fois dans le début de cet ouvrage. Certes, la chronologie favorisait cet ordre, mais je ne crois pas qu'elle suffise à expliquer la juxtaposition. Jérôme a vraisemblablement voulu rapprocher non seulement le destin de ces deux hommes, tous deux en butte à la jalousie du clergé, mais aussi leur génie au service de l'écriture. N'oublions pas que le De Viris se présente d'abord comme une bibliographie des écrivains chrétiens qui, est-il dit dans la préface, ont laissé en souvenir des œuvres sur l'écriture. Pourtant, lorsqu'on y regarde de près, cette notice sur Tertullien est assez curieuse. Je ne veux pas parler ici des renseignements biographiques sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais des œuvres recensées. Jérôme commence en effet par célébrer l'œuvre écrite de l'Africain, mais il déclare qu'il n'en donne pas la liste parce que ses ouvrages sont connus de tous. L'anecdote attribuée à Paul de Concordia, qu'il rapporte, doit montrer que, de fait, dès le IIIe siècle, Cyprien considérait Tertullien comme son maître. C'est là qu'il y a le « da magistrum ». Mais outre l'exemple prestigieux qui est donné par l'évêque de Carthage, cette mention de Paul de Concordia doit nous rappeler qu'il était détenteur d'un codex des œuvres de Tertullien, qu'il avait donc prêté à Rufin, comme on l'a vu. Cependant, lorsque, reprenant la biographie de Tertullien, Jérôme évoque son passage à la Nouvelle Prophétie, il donne cette fois une liste des ouvrages spécialement dirigés contre l'Église. Sur les 6 ouvrages indiqués, 3 sont couramment utilisés par Jérôme, le De Pudicitia, le De Iunis, le De Monogamia. S'il a l'une ou l'autre fois disqualifié le premier, le De Pudicitia, et le dernier, le De Monogamia, il n'a jamais porté un jugement analogue sur le De Iunio, ou le De Iunis, comme il l'intitule dans cette notice. En tout cas, il a dû contribuer à la sauvegarde de certains de ses traités, que l'on trouve au milieu d'œuvres de la période catholique dans plusieurs des corpus qui nous ont transmis l'œuvre de Tertullien, tandis que disparaissaient les plus étrangers à l'orthodoxie. De son temps même, Jérôme est conscient que tous les ouvrages écrits par Tertullien n'ont pas franchi le siècle et demi qui le sépare de lui. Il écrit « Fertur multa quae non extant opuscula condidisse ». Il possède cependant une liste, officielle ou non, des œuvres de l'Africain. Dès les environs de 375, il envoie à Jérusalem, en demandant à son correspondant Florentinus de les faire recopier sur ce codex de Paul de Concordia que détient Rufin, il envoie une liste, dit-il, brevis, où figurent les traités de Tertullien qu'il ne possède pas. Qu'est-ce à dire ? Connaît-il par cœur les titres d'ouvrages qu'il n'a pas, ou bien a-t-il coché sur une liste les traités qu'il ne possédait pas? En tout cas, 20 ans plus tard, il demande à Fabiola de lui envoyer, si elle le trouve à Rome, une copie du De Vestibus Aaron qui figure sur, dit-il, l'index des œuvres de Tertullien, mais qui n'est pas accessible en Palestine. Nous ne savons malheureusement pas de quelle époque date ce traité de Tertullien, ni même quelle en était l'intention profonde. Assurément, contenait-il une interprétation d'une partie du livre de l'Exode que Jérôme a longuement expliqué dans cette lettre à Fabiola, puisque ce dernier demande qu'on ne compare pas la goutte d'eau, Stillam, qu'il offre au fleuve de Tertullien. Une chose est sûre ici, il n'utilise pas Tertullien. Mais il n'avoue pas qu'il a bien retenu dans sa mémoire ce qu'il a lu de Joseph, mais également d'Origène et même d'Épiphane, au sujet des pierres précieuses du vêtement du grand prêtre. Nous sommes en 397 et nous aurons à revenir sur cette année cruciale à cause de la querelle Origénis. Mais je voudrais encore attirer l'attention sur une autre variation apparente qui survient en ces années 390-395. L'un des derniers textes de Jérôme qui ait été découvert, la lettre à Aurélius, la réponse à Aurélius, contient, dans les nouvelles lettres de saint Augustin, contient une déclaration fort intéressante en elle-même, mais plus encore lorsqu'on la rapproche d'autres affirmations à peu près contemporaines. Il s'agit donc de la réponse de Jérôme à l'annonce que lui a fait de sa consécration épiscopale Aurélius de Carthage. Ce dernier, après avoir rappelé une brève rencontre avec Jérôme dans l'entourage de Damase, a demandé à l'exégète de lui procurer ses œuvres, et, pour éviter un double emploi, il lui a fourni la liste des ouvrages qu'il possédait déjà. Jérôme, en définitive, n'en voit pas grand-chose. Il justifie sa parcimonie par ces mots. D'ailleurs, alors que dans votre province, c'est-à-dire l'Afrique, de si grands fleuves ont coulé sur les saintes écritures, Tertullien, Cyprien, Lactance, me vouloir, moi, maintenant, comme un petit ruisseau presque sec, est ridicule. Je ne m'arrête pas ici au mouvement de fausse modestie de Jérôme, mais à l'affirmation que l'Afrique compte déjà de grands exégètes qui ont déversé sur elle des flots d'éloquence scripturaire. Sans doute s'agit-il de flatter des Africains, et c'est pourquoi on leur rend Lactance, même Lactance qui n'a guère écrit sur cette terre d'Afrique. Mais on ne peut pas ne pas noter que 2 ou 3 ans plus tard, lorsque Paulin de Nole s'adresse à Jérôme pour se voir fixer une ligne de conduite intellectuelle, le maître de Bethléem fait remarquer à son correspondant que l'Occident n'a pas encore de vrai maître en exégèse. Si la chose n'est pas dite explicitement de Tertullien, elle l'est de Cyprien, et tout le développement de cette lettre 58-10 tend à montrer que l'Occident a besoin d'exégètes à la fois savants et simples. Tertullien, écrit-il, abonde en formules, mais sa langue est difficile. Le bienheureux Cyprien, telle une source toute limpide, s'écoule avec douceur et calme, mais, sous-entendu, tout appliqué à exhorter aux vertus et pris tout entier par les difficultés de la persécution, il n'a aucunement disserté sur les Écritures divines. Victorinus, Victorin de Petovio, a été couronné par un martyr éclatant, mais il ne sait pas exprimer ce qu'il a compris. Et cela va jusqu'à Hilaire, chez qui, comme pour fermer la boucle, Jérôme note qu'il n'est pas accessible aux saints. Hilaire est pourtant, avec Victorin de Petovio, le premier à nous avoir laissé des commentaires scripturaires, et Jérôme pourrait savoir que Paulin a été en contact avec Martin de Tours, un disciple d'Hilaire, comme il sait que l'évêque de Poitiers s'est inspiré d'Origène pour commenter les psaumes. Comment donc comprendre cette déclaration faite à Paulin et comment résoudre la contradiction au moins apparente entre ce qui est dit aux Africains et ce qui est dit à un gallo-romain, à peu près au même moment? Il faut certes tenir compte de la situation particulière de chaque correspondant, mais il me semble qu'on rejoindrait davantage la pensée profonde de Jérôme en disant que l'Écriture a besoin de commentateurs qui cherchent à l'éclairer plutôt qu'à l'exploiter ou à la détourner de son sens, à la faire parler elle-même la langue du jour plutôt qu'à lui faire emprunter une éloquence qui dise trop le désir de briller et non de se mettre à son écoute et à son service. En 395, où nous sommes, Jérôme n'évoque aucunement les exégètes grecs. Il ne renvoie même pas Paulin à la lecture des originaux grecs, comme il le fera quelques années plus tard. Et il ne lui propose pas non plus de se référer aux traductions déjà existantes. Origène, en particulier, lui eut fourni un modèle, à la fois par l'ampleur de son œuvre et par la variété de son approche de l'écriture. Au sujet de ses homélies, Jérôme faisait remarquer en 380 qu'il avait, dans sa traduction des homélies d'Ézéchiel comme des homélies de Jérémie, conservé la simplicité de son style qui seul est utile aux églises, en méprisant l'éclat de la rhétorique. Mais au moment où il écrit à Paulin, il est depuis plus d'un an en rupture avec les partisans d'Origène à Jérusalem, et il doit bientôt se défendre auprès de Vigilance d'avoir naguère loué Origène. La réponse est qu'il doit lire par profession, mais qu'il ne choisit que ce qui est bon. Est-ce bien toujours ce qu'il fait? On peut en douter. Lorsque, dans un traité polémique, il est vrai, dans lequel il est, selon les règles de l'école, permis de faire flèche de tout bois pour abattre l'adversaire, quand on le voit utiliser les écrits qu'il a condamnés quelque temps auparavant. En 393, Jérôme compose une longue réfutation des thèses de Jovinien. La première tente à déprécier la valeur de la virginité consacrée en montrant la large part que l'Écriture fait au mariage. Jérôme entreprend de constituer un dossier inverse en passant en revue tous les textes favorables à la continence et à la virginité. Ce dossier commence par une longue explication du chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Valarcy au XVIIIe siècle et Schulzen à la fin du siècle dernier ont montré que Jérôme utilisait le De Monogamia de Tertullien, réputé hérétique quelques années plus tôt, pour commenter le texte de Paul. En vérité, les emprunts au De Monogamia sont plus nombreux qu'il n'a été noté jusqu'ici, et contrairement à ce qu'affirme Schulzen, ce traité n'est pas le seul de Tertullien qui soit exploité en ces pages. La marqueterie ne se limite cependant pas aux diverses œuvres de Tertullien sur le mariage. Personne, à ma connaissance, n'a jamais remarqué que Origène aussi est exploité. C'est que ces homélies sur la première épître aux Corinthiens ne sont vraiment accessibles que depuis le début de ce siècle. Or, Jérôme combine parfois les deux exégèses, mais il se sert surtout d'Origène, qui était moins outrancier que Tertullien, et peut-être même le critiquer, comme l'a suggéré Turner, lorsque Tertullien ne lui fournit pas une matière suffisante. C'est le cas tout particulièrement pour l'explication de 1 Corinthiens 7, 18-19, où Paul déclare « L'un d'entre vous était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cache pas sa circoncision. L'autre était-il incirconcis, qu'il ne se refasse pas un prépuce. La circoncision n'est rien et le prépuce n'est rien. » Tertullien n'a pas utilisé ces versets. Jérôme s'y attache longuement au contraire, non sans tirer parti des leçons de méthode exégétique détaillées ailleurs par Tertullien. Il attire en effet l'attention sur la consequentia et il fait remarquer que ce développement sur circoncision et incirconcision vient rompre un exposé sur le mariage. Il en tire la conclusion que ce développement doit concerner lui aussi le mariage. Ce qui paraîtra quelque peu surprenant à un lecteur d'aujourd'hui, mais pas au lecteur d'Origène. Car l'explication de ce passage, telle qu'on le trouve dans les homélies sur la première épître aux Corinthiens, ne dit pas autre chose. La circoncision désigne l'état de celui qui est marié, l'incirconcision, l'état de celui qui est resté vierge. La même interprétation est donnée à l'opposition entre esclavage et liberté, que chacun, dit Paul, donc, demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Même si tu peux devenir libre, utilise plutôt ta condition d'esclave. Celui en effet qui a été appelé dans le Seigneur étant esclave est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Jérôme, comme Origène, comprend liberté et esclavage par rapport au mariage, comme le montre de façon très claire la juxtaposition des deux passages que vous trouverez dans les notes. Cette dépendance me semble confirmée par ce que Jérôme dira l'année suivante dans son Apologeticum Apamacus, car ce passage avait dû choquer. L'adversaire de Jovinien revient sur lui en concédant que certains exégètes très sages entendent bien le texte de Paul de la circoncision charnelle et de la servitude. Or, c'est exactement ce que disait Origène tout à la fin de son explication. Après avoir longuement développé sa propre interprétation, il reconnaissait que les autres exégètes entendaient à la lettre la circoncision et le prépuce. remarque qui honore son honnêteté intellectuelle, mais qui authentifie également comme lui appartenant bien, l'exégèse que nous trouvons chez Jérôme. La dépendance de celui-ci se poursuit bien au-delà de ces versets, à l'égard d'Origène comme à l'égard de Tertullien. Il devient malheureusement plus difficile de le montrer pour ce qui concerne Origène au-delà de 1 Corinthiens 5:28, car les chaînes ne nous ont plus conservé de fragments d'Origène jusqu'au chapitre 9. Je suis pourtant à peu près certain que l'on peut attribuer à Origène l'interprétation d'un autre passage énigmatique de ce chapitre 7, les versets 36-39 sur lesquels les exégètes modernes discutent. Si quelqu'un estime manquer aux convenances à ses devoirs envers sa fille ou envers sa vierge parce qu'elle a passé l'âge, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas qu'elle se marie, car si quelqu'un a décidé fermement en son cœur sans y être contraint et qu'il juge dans son cœur de garder sa fille, il fait bien. Ainsi donc, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Quelle est cette fille ou cette vierge? On ne trouve la réponse dans les œuvres conservées, ni chez Tertullien, ni chez Origène. Mais on peut, je crois, remonter indirectement à Origène par l'intermédiaire de Méthode d'Olympe, chez qui la vierge en question n'est autre, comme chez Jérôme, que la chair de chacun. L'interprétation est bien dans la ligne de ce que nous avons trouvé pour l'explication de 1 Corinthiens 7:18-23, mais il se trouve aussi que le crescendo entre « bien faire » et « mieux faire » est commenté par Jérôme d'une manière parallèle à ce qu'il avait dit pour 1 Corinthiens 7:28. « Si tu te maries, tu ne pêches pas, et si une vierge se marie, elle ne pêche pas », en utilisant précisément le commentaire même d'Origène à ce verset. Or, il n'est pas rare qu'Origène se répète ou renvoie à l'une de ses explications antérieures. Les emprunts au démonogamia sont plus clairsemés au-delà du commentaire de 1 Corinthiens 7. Ils ne se poursuivent pas moins et se rencontrent au beau milieu de développements dont l'origine alexandrine ne fait guère de doute. En revanche, c'est à un emploi massif du De Iunio de Tertullien, classé pourtant peu de temps auparavant, c'est-à-dire dans les mois qui précèdent, parmi les écrits hostiles à l'Église, que l'on trouve dans la seconde partie de la réponse à la thèse 3 de Jovinien sur l'inutilité du jeûne. À peine peut-on rapprocher à propos de Tite 1:15 ou de Romains 14:20, texte que Jovinien avait dû invoquer pour montrer que le jeûne n'a pas d'importance, puisque, selon saint Paul, tout est pur pour les purs et qu'il ne faut rien rejeter de ce que l'on reçoit avec action de grâce, à peine peut-on rapprocher la longue mise au point de Jérôme de son commentaire sur Tite et du commentaire sur l'épître aux Romains d'Origène. Jérôme n'a pas de mal à montrer que les affirmations de Paul sont liées à la question des aliments purs et impurs, voire à la question des idolotites, mais pas du tout à la question du jeûne. C'est la seule addition d'importance qui soit apportée au dossier de Tertullien, par ailleurs repris dans son ensemble, dans ses chapitres. Avec cette année 393, nous sommes entrés dans la période des grands commentaires de Jérôme, les commentaires sur les prophètes. Dès avant cet adversus Iovinianum, qui est en quelque sorte un accident venu interrompre son plan de travail, il a commenté 5 des petits prophètes, et il en a d'autres en chantier, dit-il. Tel sera désormais son objectif. Il lui faudra plus d'un quart de siècle pour l'atteindre, et il n'y parviendra pas tout à fait, puisque l'Inireniam n'a pas été terminé. Tout le reste est travail adventice, retard dans la réalisation de son grand projet. Mais toutes ces interruptions et ces nouvelles polémiques réagissent sur son travail d'exégète, qu'il s'agisse de la rupture avec l'origéniste qui intervient justement à la fin de cette année 393, de la polémique avec Ruffin et bientôt Vigilance, ou enfin de celle qui s'accentue avec Pélage au moment même où il commence l'explication de Jérémie. Sans refuser totalement les interprétations d'Origène, Jérôme a tendance à revenir vers Tertullien et vers son réalisme avec l'importante réserve ou précision que voici. Jérôme, dès 386, c'est-à-dire dès l'époque où il commence à expliquer des livres entiers de l'Écriture, en commençant par les épîtres de Paul, Jérôme a nettement conscience de la différence entre le commentaire qui suit pas à pas le texte sacré et le traité sur ceci ou sur cela qui fait certes appel à des dossiers de texte, mais qui recourt également à l'art de la composition et à la beauté du style pour persuader ou briller. Ce type de traité n'est pas celui qui intéresse Jérôme. Si l'on peut deviner dans la série des titres qu'il invente à ce moment-là, telle allusion à Ambroise, on doit aussi penser à Tertullien, dont Jérôme louera et regrettera à la fois l'éloquence trop serrée. Ce sont quelques-unes de ces formules que l'on retrouve dans ses commentaires, mais on remarquera aussi que l'enseignement même de Tertullien interfère parfois dans le courant même de l'explication, en venant compléter ou corriger une interprétation de l'Écriture. J'en donne quelques exemples. Je ne reprendrai pas ici ce que j'ai établi il y a un quart de siècle pour le contre-Jean de Jérusalem, en montrant que le long dossier scripturaire sur la résurrection de la chair provenait du dérésurrectionné de Tertullien et réfutait la conception spiritualiste du corps ressuscité. Au moins au même des résurrectionnés en évoquant l'engloutissement du prophète ou en affirmant la nécessité de la résurrection de la chair et en attaquant ceux qui la nient. Cet appel au dérésurrectionné, qui n'est pourtant pas nommé, a un sens beaucoup plus prégnant, me semble-t-il, que les souvenirs stylistiques que l'on peut déceler par ailleurs à l'un ou l'autre traité de Tertullien. Mais on notera aussi que lorsqu'il énonce le jeûne des Ninivites, eh bien Jérôme revient tout naturellement, dirais-je, à une formule du De Iuvenio. Dans les années qui suivent, Jérôme reste occupé par la controverse originiste, d'autant que Ruffin a la malencontreuse idée de traduire en latin l'œuvre la plus audacieuse d'Origène, son Périarchon, en le mettant sous la vocation de Jérôme en quelque sorte. On sait comment ce dernier, à la demande de ses amis romains, procure à l'Occident une seconde traduction de l'ouvrage en mettant en lumière les affirmations qui lui semblent les plus contestables. Mais, au moment même où il vient d'envoyer cette traduction à Pammacus et à Okeanus, lui parviennent deux questions de Paulin de Nol, qu'on a évoquées aussi ce matin, ainsi qu'une nouvelle demande d'un commentaire de Daniel. Jérôme n'a pas le temps, dit-il, de répondre à ces questions. Que fait-il donc ? Il renvoie pour une question à Origène et justement au Périarchon, que Paulin pourra, dit-il, lire directement en grec. Et pour la deuxième question, il renvoie à Tertullien, pour lequel il donne une référence erronée ou très vague, ce qui ne laisse pas supposer, comme pour l'ouvrage d'Origène, une relecture récente. Dans cette lettre à Paulin de Nol, Jérôme prend soin de préciser qu'il ne condamne pas indistinctement toute l'œuvre d'Origène et même l'ensemble de ce Périarchon, dont il regrettera pourtant à maintes reprises la traduction malheureuse. On notera d'ailleurs que l'explication de l'endurcissement du cœur de Pharaon à laquelle Paulin est renvoyé peut apparaître comme une simple interprétation scripturaire dans laquelle n'interviennent pas de présupposés philosophiques. Jérôme dirait qu'il a su distinguer l'exégète du théologien, comme il le disait peu de temps auparavant à Tranquillinus, en évoquant Tertullien aussi bien qu'Origène. J'ai rappelé qu'à peu près à la même époque, il a regretté de ne pas connaître le De Vestibus Aaron. Il s'est donc reporté, dit-il, à sa mémoire et à ses lectures. Origène y tenait une grande place, telle même que l'on peut imaginer sans grande crainte de se tromper que Jérôme avait sous les yeux au moment même où il dictait les écrits de l'Alexandrin qui concernaient les vêtements sacerdotaux de l'Ancien Testament et leur signification mystique. On le surprend en train de recourir à ce procédé dans l'In Danielem, nous sommes 10 ans plus tard cependant, où, à propos de l'interprétation des 70 semaines, Jérôme, devant la difficulté, dit-il, de porter un jugement sur les opinions de ses prédécesseurs, se contente de transcrire les extraits qui les contiennent. 8 opinions, donc, sont ainsi données, dans un ordre qui n'est pas chronologique. Eh bien, Origène et Tertullien figurent côte à côte en sixième et septième position, avant que ne soit rapportée pour finir l'opinion des Hébreux. D'Origène est transcrit un court fragment du Stromate 10, mais de Tertullien plusieurs pages de la première partie de l'Adversus Iudeos, dont Jérôme avait imité la mise en scène initiale dans une de ses premières grandes œuvres, l'Altercatio Luciferiani et Orthodoxie. Mais on peut dire que l'autorité avec laquelle Tertullien avait affirmé la valeur prophétique de l'oracle de Daniel a renforcé de façon déterminante l'interprétation par Jérôme de l'ensemble du livret prophétique, à la fois contre les négations de Porphyre et les allégorisations d'Origène. En ces mêmes années, Jérôme est arraché à ses commentaires une fois de plus pour exalter le veuvage une fois encore. Où puiser de nouveau, sinon en des écrits qu'il connaît bien? La lettre à Agerukia marque un retour à l'ensemble des traités de Tertullien qui concernent le mariage, ou plutôt le remariage, ad uxorem exhortatio castitatis de monogamia. La fusion est telle parfois dans l'écriture qu'il est difficile de dire si c'est la formulation ou la pensée de tel ou tel traité qui a prévalu. Surgit cependant une question. N'a-t-il pas recours de façon si massive aux écrits de Tertullien parce qu'il est simplement pressé? En 414, en effet, donc 2 ans plus tard, lorsqu'il compose la lettre à Démétriade, qui concerne la vie des vierges consacrées, et pourrait, comme la lettre à Eustochium qu'elle évoque, s'inspirer de Tertullien et de ses lectures anciennes, Cyprien, Ambroise, Athanase, Jérôme est beaucoup plus original. Son exposé même sur le jeûne, par exemple, n'emprunte plus au Dei Iunio. Il ne reste plus dans cette lettre que quelques formules de l'Africain, comme si Jérôme avait voulu soigner tout particulièrement le texte qu'il soumettait à l'une des grandes familles de Rome, ce qui ne l'empêche pas de critiquer vivement les partisans d'Origène, Pélage aussi peut-être, en reprenant des questions sur la justice de Dieu qu'il avait évoquée d'après le Périarchon sans doute, dès la consolation à Pola, c'est-à-dire 30 ans plus tôt. C'est cette curiosité philosophique qui nous vaudra l'un des derniers retours de Jérôme à Tertullien, mais peut-être aussi l'un des plus révélateurs de son attitude tant à l'égard d'Origène que de Tertullien. La lettre à Ctésiphon, prélude à son Altercatio Attici et Critoboli, contient dès son début une allusion élogieuse à « Quidam nostrorum, qui n'est autre que Tertullien ». Or, la formule que cite Jérôme n'est autre que la condamnation de l'orgueil des philosophes et de leur influence sur les hérétiques, leurs descendants, dans leur prétention, à savoir comme à parvenir à la perfection. Pulcre quidam nostrorum ait philosophie patriarchae hereticorum. On a là, me semble-t-il, non seulement le dernier jugement de Jérôme sur Tertullien, noster, mais aussi l'indice de ce qui, à tort ou à raison, l'a toujours un peu gêné chez Origène, ce désir de tout savoir et de tout rendre cohérent, sinon systématique. Ringraziamo il professor Duval per questa minuziosa analisi che ha ripercorso nelle sue varie fasi e nei suoi vari aspetti, non sempre omogenei, talvolta apparentemente contraddittori, i rapporti di Girolamo con le opere di Tertulliano e d'Origene. L'analisi del professor Duval ci mostra anche come il concetto di cresis, talvolta evocato a sproposito riguardo all'utilizzazione degli autori pagani da parte dei padri della Chiesa, possa invece trovare feconda applicazione quando si tratta di indagare i precedenti all'interno della produzione cristiana. Grazie professor Duval e